C'est fou. 89.1. Sometimes. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Ingrid Ardebert nous parlera de parents et d'enfants, sa chronique familiale, la course au trésor. Véronique Mire parcourra la lettre L dans son segment Le Véronictionnaire et on recevra Stéphanie Paradis qui animera son célèbre cheese quiz reconnu mondialement. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 20 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, t'as bu ta première gorgée, t'es satisfaisante? Non. Non, je viens de me brosser les dents. Ah, c'est non. Mais t'as pas écouté la fois, je t'ai dit, rince la bouche avec de l'eau chaude avant de boire quelque chose. Ah ben, par eau chaude, j'ai compris café. Ah, c'est ça. Ah, je mélange tout. C'est un liquide chaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Au moins, je l'ai pas fait avec... un pipi du matin. Ok, je me demandais vraiment où tu t'en allais, hein, parce qu'il y a bien des choses qui sont chaudes qui peuvent sortir de ton corps. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir à 8h Véronique Mire pour sa chronique Le Véronictionnaire. La lettre L aujourd'hui, L comme dans... Lollipop! LOL. LOL, oui. L'aubainerie. Oui. Oui, oui. L'article compte. Oui, ouais. Oui. Donc ça, ce sera à 8h. Ensuite, à 9h, on aura Stéphanie Paradis. Et son cheese quiz, ça c'est le quiz où tout le monde participe, qui peuvent, parce qu'il y a bien des gens qui ont des cours à cette heure-là malheureusement. Ouais. Mais ouais, qui ouais. Est donc bien agréable, nous on participe tout le temps. C'est ça, on est tout le temps là. Ouais. Moi avec des réponses poches, toi avec des points. C'est vrai, la dernière fois je suis pas sûr. Pas sûr. Hein. Tout le monde avec des buzzers, si on sait. Oui. Je fais des pets sans cesse, c'est mon buzzer. C'est à 9h. On va avoir du fun. Ouais. J'ai pas d'odorat. En fait, j'espère ne pas avoir de Dora à 9h. Ok, Dora l'exploratrice. Oui. Ou Dora le beurre de pinot. Dora. Tu connais les petits contenants de Dora. Entre tout ça, on aura Sex Mess, ça ne devrait pas être là, la chronique de gadgets inutiles. Plein de bonnes choses là-dedans. Mais on va débuter à l'instant avec Ingrid Arneberg. Bon matin. Bon matin. Cela va. Oui. Cela va. Elle fait des bébés comme des petits-enfants seraient bébés. J'ai 4 ans et demi. Oui. Bye bye. Wow. Bye bye. Mathieu, tu l'as bien? Oui. Bon. Donc, Ingrid, aujourd'hui, ton sujet, encore une semaine avant, oui, c'est un mishmash encore. Oui, c'est un genre de ragoût de boulettes. Oui! De nouvelles. Yeah! Le temps des fêtes arrive, hein? Oui. Mais c'est on se prépare. Oui, on fait du ragoût. On fait du ragoût. Du ragoût de plus. Là! Des fins de plat. C'est des fins de plat. Ouh! Du ragoût de fins de plat. Hey, j'ai eu peur que ce soit un autre mot. Oui, mais On a flirté avec, hein? J'aurais pu. Oui, j'ai flirté. Pour un fleur, avec une plat, avec un plat. Bien mijoté. Je ferai n'importe quoi. Voici la course au trésor. C'est la course au trésor avec Ingrid Arneberg. Bonjour. Oui. Oui, petit ragoût de nouvelles aujourd'hui. Comme au bulletin de nouvelles, évidemment, animé par quelqu'un qui se prend une action internationale, mais qui ne l'a pas pour toute. Oui. Oui, ça, c'est vraiment pas international. C'est vraiment, non, vraiment même pas. Moi, je flirte avec encore l'incompréhension. Avec ouais. Donc, ragoût de nouvelles aujourd'hui, oui. Et on a plein de sujets vraiment des plus variés, là, comme la semaine passée, finalement. Oui. Mais c'est pas aussi funky que le colorant jaune du Kraft du Nord. Non, parce que ça, s'il y a un sujet funky, c'est bien le colorant. C'était le colorant. C'est ça. Non! Depuis ce temps-là, j'en ai le goût. Oui. De clair, crème de neige. Hein? OK. Pas le colorant. Non. Okay. Mais le crème de neige au chou-fleur? Non. Ah, le classique. Non. Les coquilles. Oui, les coquilles. Et le fromage blanc, on l'a dit la semaine passée. Fromage blanc, il est vraiment écœurant. C'est vraiment mon préféré. Ben, les coquilles, c'est mon préféré. Avez-vous essayé celui au Velvita? J'ai détesté. Non, mais j'ai jamais essayé celui au coquille ou au fromage blanc. C'est la même chose? Non, c'est trois fromages, je pense, ouais. Coquille. Oui.

Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mercredi 20 novembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. November. Ouais. Pas d'affaire de même. Non. Pas November. Non. Donc, plus tard à l'émission, on va voir Véronique Mire et sa chronique Véronique Sionnaire. Toujours intéressant d'en apprendre un peu sur une lettre. On sait jamais quels mots s'en viennent. C'est comme une surprise. Comment surprise? C'est comme quelque chose commencerait par elle. Là. C'est comme... Il y avait une blague de... comment il s'appelle déjà? Anthony Cavana. OK. Puis c'était un peu dans le même genre que tu as fait ce matin. C'est comme, nommez-moi un pays qui commence par un L. L'Afrique! L'Afrique. Ouais. Ça c'est fait très longtemps. Tall Shadow de Beige Bullet. Ouais. Entrée. Ouais. Anthony Cavana, es-tu disparu? On le voit de temps en temps. Okay. À l'épicerie. Au garage. Au garage. Be true or be gone. You're only fooling yourself. Open hand and now. You are holding out. But there is no light. Tall Shadow. C'est de qui? De Beja Bullet. Beja Bullet. Je m'excuse de t'avoir donné la parole pour ça, parce que j'avoue que c'est difficile. Beja Bullet. Beja Bullet. Beja Bullet. Beja Bullet.

Ça s'appelle une lip. Puis des fois, tu peux mettre un cil dessus, fait que ça fait un lip seal. Lip seal! Super drôle. Une gag ça, c'est de comme bon les. Goût. Moi, j'avais beaucoup aimé les Yes Fart. Yes Fart, fart. Merci. Yes Fart. Les blagues comme ça. C'était écœurant. Une litée, c'est une réunion de plusieurs animaux dans le même gîte. Okay. On sait que ça arrive très souvent. Ben oui. Ça arrive dans Retour au bercail. Ça arrive dans la crèche. Oui. Dans la crèche, par exemple. Une litée. Un litron. Un litre. Donc, on pourrait dire un litron de vin, par exemple. Une lolette. On dirait une sucette, genre. Mais... Ça ressemble à ça. Si on passe à lolo, lolette. Donc, en Suisse, c'est le nom familier pour dire une suce. Ah, voilà. Une suce. Pour voilà. Enfants. Oui. Pas une suce. Et finalement, un ludologue. Quelqu'un qui est spécialiste des jeux dans un journal. Des jeux pour les médias. J'étais vraiment très, très proche. Ouais, moi, je t'aurais vraiment accordé le prix. Oui. Le point. À tombe crochu, là. Dans un journal. Un point. Ben, tu vois, un média, journal. Oui. Même affaire. Oui. Ouais. Ouais. C'est rare qu'il y ait des jeux à radio. Ben, on le bingo. Ouais, ben, on l'a déjà essayé, le Sudoku. Oh, radio. Boy! Oui. Vite, vite, 2. Vite, vite, 4. Oui. Oh. Bon, on se fait des essais, mais ouais, ça n'a pas pogné. On fait des essais aussi en annonce. On fait des essais. Ça marche pas. Donc voilà, ça complète la chronique sur la lettre L. Merci Véronique Mir. Ça me fait Merci. Plaisir. Oui, la semaine prochaine, dans deux semaines, pardon, ce sera la lettre, attends un peu, K. K. K. Kilo. Kilo. C'était la facile. Ku Klux Klan, évidemment. Koala. Oui. Oui. Kid Paddle, la bande dessinée. Kippy. Kippy. Kinky. Oui, Kippy. Oui, oui, oui. Kinky. Kinky. Kangourou. Kinky. Oui. On a pas mal. Kiki. Kéfé. Kiki. Quick. Non, je pense que le crash boursier, c'est avec un K. Oh, que oui. Je crash. Crois que oui. Crash, exact. Ouais. Wow. Bref, bon, impressionnant. Merci, Véronique Mee. Ça me fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Alors, deux semaines, on se retrouve. Donc, ce sera, si je peux vous dire la date pour ceux qui suivent à la maison, c'est le 4 décembre. Ouais. On va avoir commencé à manger nos chocolats. Oh, menou, menou, je vais m'acheter 3-4 cartes. Menou, menou. Enfin, je vais pouvoir écouter de la musique de Noël. Tout à l'heure à l'émission, on aura bien d'autres choses. On va chronique qu'il y a 5 spéciales de 2 répond là. Pour l'instant, on prend une petite pause. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Pourquoi t'as raté ton café? J'ai vraiment manqué mon café aujourd'hui. Mais je sais pas, en fait, tu me demandes parce que je trouve que goûte bizarre. Oui, depuis hier. Oui, depuis le début de la semaine. Oui. Tu me demandais si je l'avais raté. Je sais pas. Il goûte l'eau de vaisselle. Mon café que j'ai fait à la maison. Ben oui, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ça. Ouais. Mais j'ai peut-être. J'ai acheté du savon concentré pour ma petite lavette à vaisselle. Je pense que peut-être rapport. Ou sinon, ma tasse est trop bien. Peut-être. C'est fascinant. Oui, ou peut-être. Tu t'es trompé dans les quantités, t'étais oui, mêlé. C'est ça. J'ai mis une cuillère de savon à vaisselle, puis deux cuillères de café. J'avoue que c'est facile de faire l'erreur. On le fait tout, hein? Voici Jobin, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Il fait bien à job, lui, Jobin. Ouais. Voici Soweto. Soweto. So what, you know? Soweto. Et au retour, ça existe, ça devrait répondre. Yay! Jobin, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Soweto sur l'album The New Religion Project. Tantôt, restez là parce qu'une nouvelle entrée de Jacques Marc s'en vient. Adieu mes chats, j'ai très hâte de l'entendre. Mais avant ça, allons-y avec la prochaine chronique. C'est Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ça existe ou ça ne devrait pas, on l'a, c'est la chronique des gadgets ridicules. On se cherche des problèmes et on fait les règles en achetant des choses, ce qui crée d'autres problèmes financiers. C'est le fun, c'est la roue, qui la vie qui continue. Donc on commence pour les gens qui font des feux de camp, même si là, bon, l'hiver s'en vient, peut-être que les feux de camp seront moins présents ou slash non existants, mais peut-être qu'il y en a qui se font des guimauves sur le poêle, sur le foyer. Donc c'est des petites broches d'acier inoxydable. Avec un design qui s'attache à n'importe quel bâton. Donc vraiment, vous pouvez prendre n'importe quelle branche. Aucun besoin de rien faire, de nettoyer la branche ou rien, parce que les guimauves vont être sur la broche qui va au bout du bâton. On peut tenir deux guimauves à la fois, ou un pain à dog et une saucisse. Et ça s'appelle Fire Fork. Ça inclut aussi un bouchon de sûreté pour pouvoir le mettre dans votre sac à dos pour ne pas percer votre sac. Et vous pouvez en acheter 4 sur Amazon pour 16$. C'est vraiment cute, c'est vraiment bien fait. Donc une petite broche d'acier inoxydable qui va au bout de n'importe quel bâton. Ensuite, tiens, vous avez peut-être entendu parler du Hoodie Buddy. C'est un manteau, donc c'était plus un hoodie avec un zip pour adultes et pour enfants, avec des écouteurs qui étaient dans le cordon. Donc le cordon au milieu de la veste avait des écouteurs et on s'insérait les cordons dans les oreilles. Bref, ça existait déjà, mais leur nouvelle version s'appelle HB Standard Issue with HB Mic. Ça ajoute un microphone pour que vous puissiez prendre des appels avec les écouteurs qui sont inclus dans le petit manteau. C'est fait de Cotton Rich Fleece, donc une sorte de tissu. C'est disponible en version unisex pour adultes, en noir ou encore en gris ou bleu marin. Voilà, marine. Pour 62$, quand même cher pour un hoodie, mais quand même, ça vaut la peine. Ensuite, si vous voyagez avec des vêtements avec vous. Évidemment, vos vêtements finissent par se salir. Vous avez besoin d'un endroit où mettre. Là, vous devez traîner un deuxième sac. Le sac, c'est pas pratique. Donc, le Outliers Double Bag simplifie cette tâche en ayant une séparation au milieu du sac. Donc, une ouverture de chaque côté avec un snap et double bag. Donc, ces deux sacs en un, on met les vêtements propres d'un côté qui vont tranquillement se déplacer vers le côté sale quand vous allez les avoir souillés, évidemment. Il y a un diviseur qu'on peut tasser dans le milieu pour, je sais pas si les affaires, peut-être qu'il y a plus de linge sale que de linge propre pendant un certain moment. Bref, vous pouvez changer ça comme vous le voulez. C'est fait, c'est un truc hydrofuge aussi pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur. Et il y a du nylon suplex pour assurer que le sac dure longtemps. C'est le Outlier Double Bag. Ensuite, dans la voiture, on a souvent des cadrans. Mais enfin, on a pas mal, je dirais tout le temps, des cadrans qui montrent la vitesse ou le gaz qui reste. Donc, des affichages comme ça. Le Nimbus Smart Dashboard de la compagnie Quirky est le même genre, mais pour la maison et pour l'électronique. Donc, ça se synchronise avec votre téléphone cellulaire et ça affiche de l'information pour que vous soyez au courant de votre journée. Donc, vous pouvez personnaliser chacune des aiguilles pour afficher, par exemple, l'information sur le trafic, sur peut-être vos statistiques d'entraînement sur Fitbit, un calendrier, les médias sociaux, des trucs comme ça, vos buts d'économie d'argent, plein d'autres paramètres. Et on peut utiliser aussi une comme horloge avec alarme. C'est disponible en noir ou en blanc, 130$. Et tout ça, c'est ensemble. Donc, tu as quatre cadrans sur une genre de barre, des cadrans ronds avec des aiguilles qui bougent en temps réel. 130$. Ensuite de ça, quand vous faites à manger, tiens, c'est bien de manger avec quand vous êtes en voyage, en camping, avec un petit four portatif. Mais évidemment, avoir de la vaisselle, c'est plus compliqué parce qu'il faut se traîner des bols, des assiettes en plastique, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils ont inventé le Flapot. Flapot, c'est fait d'acier inoxydable qu'on appelle POSCO. Et c'est des c'est de 1,5 litres. C'est comme des chaudrons. Pas des chaudrons, des... on pourrait dire que c'est presque comme des chaudrons. Ouais. Et ça se met en forme de chaudron et ça se déplie aussi pour faire une assiette plate pour manger. On se comprend. Donc, c'est pour faire cuire et ensuite pour manger à l'intérieur. Et sinon, chaque flapot peut durer jusqu'à environ 80 repas. J'imagine que c'est en termes de faire chauffer l'assiette. Ça va tenir plusieurs années de camping sur Amazon pour 28$. Ensuite de ça, tiens, dans bien des pays, et peut-être moins au Québec, mais on utilise beaucoup le scooter toute l'année. Évidemment, au Québec, c'est plus difficile parce qu'il fait froid pas mal tout le temps, mais voyager par scooter, c'est quand même le fun. Et quand il fait plus froid, donc moyennement froid, peut-être pas froid comme l'hiver, là, mais vous allez pouvoir utiliser le scooter Snuggie. Hein? Donc, c'est un habit d'hiver hybride Snuggie, OK? Donc, il est fait pour couvrir votre poitrine et vos jambes quand vous êtes en scooter. Donc, vraiment comme un Snuggie, la couverture à manchons. c'est disponible dans une variété de couleurs et de motifs. Vous pouvez retrouver le lien sur assemblagerequis.com. Ça s'appelle, c'est le scooter Snuggie. Donc, pour faire du scooter. Ensuite, je crois avoir déjà glissé un mot là-dessus, mais j'ai retrouvé le lien et je vous ai reposté ça sur assemblagerequis.com. C'est une paire d'assiettes à 45$ avec un petit creux d'un côté de l'assiette pour pouvoir mettre du sirop sur vos crêpes et le sirop va finir dans le petit rabat. Mais pas le rabat, mais genre de fossé, si on veut, de l'autre côté de l'assiette pour que vous ayez plein de sirop pour tremper vos crêpes. Super simple, 45$ sur assemblagerequis.com. Après ça, il y a le Hourglass Sugar Dispenser. Vous savez déterminer le temps, hein, avec un superbe sablier, c'est toujours cool. Et bien ici, c'est à la place un truc pour mettre le sucre. Et ça fonctionne quand même très bien comme sablier aussi. Vous remplissez le dessus de sucre, vous virez ça à l'envers, vous regardez le sucre tomber en bas et jusqu'à dans votre assiette, votre main, votre recette. Et vous pouvez brasser un petit peu plus pour en avoir plus. Évidemment, fiez-vous pas sur le temps qui sort de là, mais c'est plus pour faire beau. Ensuite, si vous avez un animal de compagnie comme un chien et que vous devez aller lui faire faire ses besoins, vous avez besoin du Huggy Dog Automatic Pooper Scooper qui élimine le besoin de se pencher ou même de toucher aux besoins de votre chien. Le Huggy Dog est un aspirateur qui donc ramasse les déchets sur le sol et met ça dans un réceptacle intérieur. Ça fonctionne par pile avec une batterie rechargeable et un chargeur au mural. Quand l'aspirateur est rechargé, vous pouvez durer environ 2 semaines sur une seule charge. Il y a un bouton sur la poignée pour renverser l'aspiration, donc pour déposer les déchets dans une toilette, dans un compost, dans un sac poubelle. Et il y a même une station qui s'appelle la Huggy Dog Clean Station. C'est comme un genre de seau avec un couvercle que vous pouvez appuyer avec votre pied. Donc vous appuyez sur le petit truc, ça ouvre la porte de ça et vous dompez avec votre aspirateur inversé les besoins dans la petite machine. Donc quand même, c'est bien fait. Ça s'appelle, encore une fois, Huggy Dog Automatic Pooper Scooper. Maintenant, c'est pas un produit qu'on peut acheter, celui-là, mais c'est un produit que vous allez voir de plus en plus. Vous savez que dans plusieurs villes aux États-Unis et ailleurs, on a légalisé l'utilisation récréative de la marijuana. Mais par contre, dans des villes comme Denver, on peut recevoir une facture de jusqu'à 2000$ si jamais on voit que vous avez pollué l'atmosphère avec l'odeur de votre herbe préférée. Donc la police va pouvoir utiliser un appareil qui s'appelle le Nasal Ranger Field Olfactometer, qui est une genre de paire de jumelles pour le nez. Tiens. Donc la police va utiliser cet appareil-là en mettant son nez sur le truc et ça va déterminer si vous excédez, si vous avez dépassé la limite de pollution. Ah, donc voilà, c'est l'odeur. On nous dit que vous allez être responsable d'une offense si vous avez si votre odeur est détectable dans une fumée mélangée avec 7 fois le volume d'air frais. Ok, donc c'est comme ça qu'on détermine si vous avez pollué l'air. Tiens, maintenant, remplacez votre carte de débit ou carte Visa ou toutes vos cartes en fait avec une seule qui s'appelle Coin. C'est une carte bancaire programmable dans laquelle vous mettez les informations de toutes vos cartes, d'accord? Donc, vous n'aurez pas à transporter, par exemple, 3 cartes de crédit et 2 cartes de débit dans votre gros portefeuille à la place de l'avoir Coin, oui, C-O-I-N. et au point de vente, vous allez décider quelle carte vous voulez utiliser dans votre coin et il va être capable, elle va être capable, cette carte-là, de reprogrammer sa bande magnétique en temps réel pour imiter l'autre carte que vous voulez utiliser. Et il y a aussi des mesures de sécurité qui vont empêcher, qui vont en fait faire que votre téléphone cellulaire va sonner, va émettre une alerte si les deux sont trop éloignés. Donc, ça va être difficile de quitter un bar avec, mettons, la carte de crédit toujours dans la machine ou quelque chose comme ça. Votre téléphone cellulaire va sonner pour vous dire « Votre carte est là ». Donc, quand même une très, très bonne idée. Ça coûte 100$ normalement. Par contre, c'est 50% en précommande en ce moment et la livraison va commencer à l'été 2014. Donc, c'est la carte Coin, C-O-I-N. Ensuite de ça, le Lifelink Plus Us, c'est une façon de brancher votre téléphone cellulaire ou n'importe quel autre appareil USB de façon un petit peu plus facile, pratique, si on veut. Donc, Lifelink a deux moitiés, deux parties. Une est un fil USB dans lequel, un est un fil USB normal et l'autre est une prise dépendant de votre téléphone. Par exemple, si vous avez un iPhone 5, ça va être un Lightning port. Un iPhone avant ça, ça va être le 30-pin connector. Il y a plein de différentes sortes de pins, si on veut, de bouts de fil. Et les deux se snappent ensemble, se collent comme un morceau de casse-tête. Et le détacher l'un de l'autre, ça va faire un fil d'environ 7 pouces de long. C'est aussi extrêmement mince, l'équivalent de deux cartes de crédit emplies l'une par-dessus l'autre. Et c'est fait d'un câble de Teflon, qui est aussi un porte-clés. Et ça vient en trois modèles, donc micro USB, 30-pin pour les anciens iPhone et le Lightning pour les plus récents iPhone 5 et 5S, etc. et les autres appareils Apple. Donc évidemment, il n'y a pas de... Ah oui, micro USB pour les Android, voilà, c'est ce que je cherchais. Et chaque Lifelink qui est commandé va aussi avoir de l'argent envoyé à des bonnes œuvres d'éducation, d'eau propre, etc. Ça coûte 14$ pour le précommander, c'est le Lifelink Plus Us. On continue avec une cartouche de jeux NES, vous savez, les vieux jeux sur Nintendo Entertainment System. Donc, c'est une série de flasques à alcool par Matt Cornell de chez Ink Whiskey LLC. C'est présentement un projet Kickstarter. Ils ont déjà rencontré leur but. Donc, ce qu'ils demandaient comme argent, ils garantissent qu'ils vont envoyer ces produits-là à partir de mars de l'année prochaine. C'est 15$ pour avoir une cassette de Nintendo NES, OK? Mais qu'à l'intérieur, c'est une flasque donc d'alcool. Vous pouvez mettre l'alcool que vous voulez dedans et verser par le côté de la cartouche. Donc, tu as Drunk Hunt pour... c'est 15$. 20$ pour les Super Bar Hop Brothers. Castle Vodka, Metal Beer au lieu de Metal Gear et Legend of Drink au lieu de Legend of Link. Donc, 50$ aussi pour une version dorée de Legend of Drink. 70$ pour les 5 avec une version non dorée de Legend of Drink. Donc, dépendant de la cassette que vous voulez, les hommages à Duck Hunt, Mario Bros, Castlevania et d'autres. C'est joli. Ensuite de ça, tiens, une montre de papier électronique. Là, si vous savez, la e-ink. Mais maintenant, c'est une montre avec de l'encre électronique. C'est la Kisei Rorschach. Et c'est évidemment basé sur le système des taches d'encre de Rorschach. Vous savez, la compagnie Tokyo Flash, vous vous rappelez peut-être de Tokyo Flash parce qu'on en parle partout. C'est les liens qui se partagent le plus pour les montres sur les médias sociaux. C'est eux qui s'arrangent pour que l'heure soit la moins facile à lire sur leur montre. Mais c'est l'idée derrière ça. C'est juste vraiment cute. Donc, c'est l'affichage va montrer avec de l'encre électronique les images du test de Rorschach. Mais on peut comprendre l'heure en analysant un petit peu l'image, comment les chiffres sont placés. Là, en haut à droite, on montre l'heure. En bas à gauche, ça montre les minutes. Et les autres symptômes. Symbole, c'est l'image miroir de tout ça, comme dans les taches d'encre de Rorschach. Trois modes de difficulté. Dans le fond, ça devient des symboles un petit peu plus difficiles à lire. T'as aussi la date et l'alarme qui se montrent dans la même façon de taches d'encre. Et étant donné que c'est du papier électronique, la compagnie Tokyo Flash a ajouté un mode de sleep, genre sleep mode si on veut, pour que ça prenne moins de batterie. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Maintenant, une bague et un bracelet qui traduisent le langage des signes. C'est Sign Language Ring. C'est un appareil, c'est un concept, dans le fond, on ne peut pas encore l'acheter, mais c'est un bracelet et une bague qu'on porte en combo ensemble. Le bracelet vient avec une bague donc détachable et lorsqu'on la porte, ça détecte les mouvements qui sont faits par la personne qui le porte, qui porte le bracelet. Et ça traduit les signes via le bracelet avec un haut-parleur intégré. Et le bracelet peut aussi traduire la voix en texte qui va être affiché sur l'écran intégré. Bref, ça rend l'apprentissage de la langue des signes un petit peu plus facile. Peut-être pas nécessairement facile en général, mais plus facile que ce serait en comprenant un petit peu plus. Donc voilà pour ça. Et c'est la Sign Language Ring qui a gagné un prix au Red Dot Design Awards en 2013. Maintenant, quand on lit à la maison, ou même ici, je dirais dans une maison de riches, parce que clairement leur bibliothèque a coûté des millions de dollars, mais c'est le Reading Net par la compagnie espagnole Play Office. Bref, ils ont décidé d'accrocher un grand filet d'un mur à l'autre, mais en fait, sur les quatre murs de leur bibliothèque dans leur maison, pour que les enfants puissent sauter sur le sur le filet. Et le filet est accroché, évidemment, comme il faut pour qu'on puisse vraiment faire ça. Et on peut lire assis dans un genre de grand gigantesque hamac, ça s'appelle le Reading Net. Évidemment, on peut pas l'acheter non plus et on a personne une bibliothèque comme celle-là. Mais moi, je pense qu'on devrait mettre ça dans chaque pièce de la maison, un filet. Tu sais, ceux qui ont des hauts plafonds. On finit à Mario un petit peu. Il y a une nouvelle ligne de jeux, de jouets de Super Mario au Japon, chez McDonald's. Nous, ici, on a pogné des jouets de Barbie ou de films de poche là, de Disney animé. Mais bref, c'est des jouets de Mario qui peuvent soit jouer de la musique ou performer une action qui est décrite, qui sont décrites dans cette petite image sur assemblagerequis.com. Donc, les jouets vont être donnés dans les Joyeux Festins à partir du 22 novembre. Et ça devrait durer environ 3 semaines. Il y a, entre autres, un Yoshi que quand tu relâches ce genre de truc, il va se mettre à courir. Bref, des affaires comme ça, là, je prendrai pas le temps de lire chacun des extraits sur le texte, mais allez voir ça. C'est à partir du 22 novembre au Japon et à partir du 23 novembre sur eBay, je crois, mais pour quelques centaines de dollars. Pour ceux qui ont, encore une fois, un appareil iOS, le designer Mike Charles voulait avoir un dock pour son iPhone pour pouvoir réduire le nombre de fils sur son bureau, mais il voulait aussi rendre sa cuisine. Il voulait que ça fitte avec sa cuisine. C'est là qu'il voulait mettre son iPhone. Donc, il a fini avec le Foster, qui est un dock pour iPhone 5, 5S et 5C, qui ressemble à un grille-pain. Vraiment. Donc, le Foster a un corps de plastique et un contour d'aluminium. Et ça vient avec deux câbles MFI Certified, donc des câbles Lightning qui sont pas faits par Apple, mais qui sont certifiés par Apple, pour que vous puissiez charger deux appareils en même temps. Deux iPhones, évidemment, iPad ne rentrera pas là-dedans. Mais contrairement au grille-pain, je crois que c'est l'opportunité ratée ici, c'est que tu peux pas appuyer sur le bouton pour faire descendre les iPhones et puis ils sortiront pas quand ils vont être prêts, tu sais, finis de charger. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est juste l'apparence d'un grille-pain. Donc quand même, c'est 79$ qu'il faut donner sur Kickstarter pour recevoir le Foster comme récompense. Et après ça, on se demande si l'iPad va avoir son propre Foven, un genre de four de cuisine. Ha ha ha, super drôle. C'est les réactions que je fais quand je suis seul, hein. C'est mahaha, super drôle, bravo pour la blague, ben super. Ensuite, je vais ressortir quelques-uns, vous laisser les liens sur assemblagerequis.com, entre autres un jeu de Walking Dead de Monopoly et un jeu de Risk Walking Dead aussi. Allez voir les photos, ça sert à rien de vous en parler plus que ça. Une Batmobile créée par une personne qui aime beaucoup le film Batman Returns avec l'acteur le Michael Keaton. Bref, qui se vend pour $125,000 américains. Ensuite de ça, il y a un truc pour se raser la barbe, mais avec un laser intégré pour qu'on puisse vraiment choisir l'angle de sa barbe pour être exactement au bon degré. Ouais, c'est très louche. Un truc de chasteté pour les hommes qui s'insère par-dessus le pénis et qui est vraiment fait de chrome parce que les hommes n'aiment que le chrome. Tout doit être chromé. C'est par la compagnie CBX, leur collection designer. T'as chrome, camouflage et fini bois. Génial. Et pour terminer, pour les gens qui prennent un petit peu plus de place dans la vie et qui doivent peut-être se prendre deux sièges dans l'avion, on a le siège de toilette ajustable. Oui, siège de toilette ajustable pour ceux qui ont besoin de ça. Tu sais, des fois, les personnes qui sont pas obèses réalisent pas les problèmes que les personnes un petit peu plus obèses peuvent avoir. Et en effet, le siège de toilette, ben Colin, c'est pas nécessairement très très gros. Peut-être que ça fait une grosse marque sur les fesses après, c'est pas le fun. Donc, c'est un siège de toilette qui prend de l'expansion pour aller même avec les plus grandes, les plus grosses personnes. Donc, ça dit jusqu'à 1000 livres. Et si tu pèses 1000 livres, j'imagine que tu as d'autres problèmes plus que le siège de toilette. Ça doit pas être dans les plus grands problèmes que tu as. C'est en vente pour $80 américains. Et là, on voit vraiment, c'est comme le début, ou bref, ce qui serait à ton opposé, mettons, le plus loin de toi, le début du tiers, mettons, du siège est normal. Et ensuite, le reste, les lèvres, si on veut, avant du siège. Ouais, ça fait bizarre de dire les lèvres et les fesses de grosses personnes, mais bon, peu importe. Donc, les ailes vont pouvoir, sont comme rotatives. On peut les élargir ou les rapetisser. Donc, voilà pour ça ne devrait pas un là. Ce genre de petit trou à l'intérieur de l'émission où il y a juste moi qui parle. Tous les autres m'ont abandonné, mais ils vont être de retour dans quelques minutes. Assemblage requis pour le Cheese Quiz de Stéphanie Paradis, ça s'en vient. Jean-Philippe va être là, Stéphanie Paradis, Dany Janvier et un paquet d'autres gens, j'imagine, qui s'en viennent. Mais pour l'instant, on parle d'une petite pause. Restez là. C'est fou pour l'écouter. 89.1. À L'assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Hé, hey, hey, merci. Wouhou. Hey, hey, ho. Je suis de retour. Oui, t'es de retour après une demi-heure, je dirais, d'absence. Ouais. Et de fausses livraisons. On s'est fait livrer des gros, gros paquets de 2500 livres. Ça rentre même pas sur le siège de toilette à 1000 livres que j'ai mentionné tantôt. Oui, ben là, on faisait des hypothèses. On se disait, ben, c'est peut-être de l'argent fraîchement imprimé. OK. Parce que c'est une palette, c'était une méchante palette. Je suis pas sûr que ça rentre dans une porte ici. C'est peut-être une affaire d'entraînement. Peut-être qu'ils trouvent qu'on a pris du poids. Là, en tout cas, En tout cas, bref, c'était pas pour nous. On a trouvé le réceptionniste qu'il fallait. C'était pour la radio en plus, mais c'était pas pour nous. Ça s'en va chez vous directement. Ils vont viser. Donc, vous avez entendu Dany Janvier. Alexandra Carignan est là aussi. Allô. Allô. Stéphanie Paradis s'en vient aussi. Hey, hey. Hey, hey. Oh, oh. Tout le monde est de retour. Wow. Yeah. Donc, avant de passer à notre prochain sujet, c'est-à-dire le cheese quiz, tout le monde est bien excité. On a le temps pour une petite chanson. Fait qu'on y va avec une nouvelle entrée de Jacques Mort, Dany. Ah, yes. Est-ce que tu as vu l'album complet? Oui. Ah, cool. Il s'appelle La Montagne de Feu, donc voici leur premier extrait. Adieu, mes chats. Mm. Ça va être bon, ça. On aime bien ça, nous autres, Jacques. Les chats. Non, Jacques Mort, excuse. Thank you. Jacques Mort et le nouvel extrait Adieu mes chats. On leur dira pas adieu parce qu'on va les réentendre ces chats-là. C'est-tu Jacques Mort avec un T ou avec un D? Avec un T. Bon okay. Point. Ouais, c'est un T. Okay. C'est un excellent point, ça. Il est mort. Ouais. Il est mort. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu quelque chose d'eux autres. Mais à au moins, je dirais 4 ans. Et en masse. 5 ans. Oui, puis on avait joué genre l'album au complet sur Palmarès. Mais il y avait comme 5 pièces sur l'album. Donc... Mais ouais. C'est des anciens de... En fait, pas des anciens. Les membres de courants. La... Oui, c'est ça. De Malajube. Malajube, qu'on aime beaucoup. Donc, Jacques Mort sur le Palmarès en francophone. Maintenant, on a accueilli tout le monde tantôt, Stéphanie Paradis. Hey. Alexandra Carignan. Allô. Danny Janvier. Allô. Jean-Philippe Charbonneau. Bah. Bon. Moi, c'est Mathieu Plante. Avant de passer au cheese quiz, avant ça, c'est le moment. T'as entendu, Stéphanie? Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle avec Dany et avec Steph et avec moi, mais pas avec Jean-Philippe parce qu'on veut le surprendre. Oh, j'ai vraiment des papillons, tout énervé. Il fait comme bon encore, on m'inclut pas. Je me sens comme si j'étais même pas co-animateur de cette émission-là. Et tout, je m'en vais! Bon. Mais c'est encore mieux que d'avoir travaillé sur le projet, mon cher. Ok, génial. Tu vas être content. Tu vas avoir du sucre à crème. OK. Parce que s'il n'y en a pas, là, je vais être déçu. J'ai des attentes hautes. Bon. On y va avec les péripéties de JP. Ah! Yeah! JP! JP! Il aime les ailes barbecue. Jibi, Jibi, il porte des jogging mous. Jibi, Jibi, il n'est jamais marabout. Jibi, Jibi, et son petit goût aigre doux. Les péripéties de JP, épisode 1. Prenez-moi pas pour un élève. Bravo. Tous ces anciens clients se sont vraiment demandé ce qu'ils faisaient là. N'avaient pas pensé à ça. N'avaient pas pensé à grand-chose. Excusez. Je trouve ça drôle. C'était JP qui écoutait l'auberge du chien noir. Seul. Hein? Seul. Seul. C'est le bois important. Seul au monde. C'est tellement cute, là. Ouais. Alors, à tous les... Ah, c'est ça, la chanson. Steph, tu me donnes des petits indices comme ça. Hein? Comment ça? Mais je sais pas, t'as parlé de chanson hier. Hein? Non, c'est moi qui ai parlé de chanson. Tu te donnes tes indices toi-même. Oui, je suis sur des choses que je ne sais pas qui vont arriver. Je trouve ça très drôle. T'es comme un devin. Ouais, hier, j'étais pas là, moi, ça. Non, Steph est partie hier. Elle m'a dit « OK, bye ». Puis là, j'étais là « Ah, oh, bye, demain... » Je sais pas trop, là, je parlais encore de mes rapports de fin d'année, là, que j'étais tanné puis que j'avais fini. Puis là, t'es là, demain, on se dira bonjour, puis là, ça va être une belle journée. Puis j'étais là, oui, on va faire comme chez Walmart, puis on va chanter une chanson. Mais là, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai, de vrai. C'était les péripéties de JP, épisode 1. Il va y avoir un épisode par semaine. Waouh! Donc maintenant que tu le sais, on va pouvoir chanter la chanson de Skippy sans cesse. Ah oui, on l'a toute dans la tête depuis au moins une semaine. Il faut vraiment se retenir pour pas la fredonner. La siffler. Oh, vous êtes cute. Hey, c'est quoi, t'as fait un remix en arrière? Ben, ça, moi, c'est malade. C'est toi qui as fait le remix de Skippy. Je suis tellement musicien né, moi. C'est malade. Ou encore, j'ai cherché un remix de Skippy. Ah, oh. L'un ou l'autre. L'autre. Ah, okay. Poirier qui l'a fait. Non, ah. Non, pas Poirier. Non, Poirier, c'est trop mainstream pour moi, ça. Donc oui, c'est ça, les péripéties de JP. Un épisode par semaine, tout le temps le mercredi à 9h aux deux semaines. Mais comment vous savez que je porte des jogging mouches à la maison? Il y a une taupe à la maison. Une taupe à maison. Il y a une caméra cachée là. Oh, non. Regarde-là, là. Oh, salut. Wow. Ouais, vous êtes cute. Merci. C'est juste pour toi. Merci. On est bien fiers. Steph est content. Oui. Moi, je suis toute énervée. J'ai comme 4 ans et demi là, ce matin. Dany a travaillé là-dessus avec ses écouteurs. Genre, oui, ben oui, pour pas que tu l'entendes. Ben oui, parce que ben oui, des fois, ça arrive. La petite chanson, on l'a tapé pendant que t'étais parti dîner. Bon, sur ces plaisanteries, ça va faire. C'est le moment, encore une fois, qu'on attendait aussi. On attendait deux moments aujourd'hui. Le petit bonus qu'on a fait juste là. Et le cheese quiz de Stéphanie Paradis. Donc la voici. Attention, intro super professionnelle. Cheese quiz donne ta personnalité, personnalité. Il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos et tellement d'autres choses. Fait avec du végétard canadien. Si succulent sous la dent. Cheese quiz donne ta personnalité, personnalité. Fait avec. avec du vrai cheddar canadien. Donne la personnalité. Et voici votre animatrice, Stéphanie Paradis. Ouais! On l'a avec nous en studio. Yeah! La vraie? Oui, la vraie. La vraie, ah, vous pouvez même me toucher. Ah. Faites avec du vrai cheddar canadien. Ben non, sinon c'est pas du cheddar, c'est pas du cheese whiz. Ah. S'il n'y a pas de cheddar. Non, mais il dit ça dans la chanson. Ah. C'est ça que je dis. Sinon, c'est pas du Cheese Quiz. Donc, ben, bienvenue tout le monde au Cheese Quiz. Merci de votre présence. Je vous annonce tout de suite le thème du Cheese Quiz de cette semaine ou de cette année. Là, on ne sait pas trop. C'est le premier de l'année, il faut dire. C'est le premier de l'année, c'est un grand événement. On ne sait pas premier de combien. De plusieurs. Au moins deux. Au moins deux. Là, j'ai une autre idée. Peut-être. Donc, cette semaine, le thème du Cheese Quiz, c'est les classiques des films d'horreur. Oh. Ouf, vous allez me perdre. Ah, oui. Donc, je vais commencer par la distribution des buzzers. Oui. Donc, je vais commencer peut-être... JP, toi, oui, on pourrait te donner... mon pingouin. Ah, son fameux pingouin. J'ai déjà eu ce pingouin-là aussi en le brassant. Ensuite... Ah, ça sonne bien. Danny, tu vas avoir le shaker, petit shake à shake. Alexandra, je vais te refiler la petite clochette de vélo. C'est charmant. J'adore. C'est important de ne pas toucher le métal. Sinon, ça sonne pas. Ah, non. Sinon, tu vois, il y a un choc électrique. Et finalement, le fameux buzzer de Mathieu Plante. Yeah! Le sac à pète! Toujours un vrai succès! Moi, j'ai un délai, faut que j'attende qu'il regonfle avant de pouvoir ressouffler. Ben, c'est pareil comme nos portes, hein? Et pareil comme mon ventre. Ça se regonfle, là. OK. Bon. Oh, aïe, aïe. Trop de détails, Mathieu. Mais en fait, c'est que Mathieu, il n'y a pas de coussin péteur. Oui, c'est vraiment un bon ventre chaque fois. Donc, je vous explique un peu les règlements. C'est très, très simple. Il n'y en a pas. Oui, il y a des règlements. Ah oui, sinon, okay? C'est le free for all. Ah, ça va être ça pareil, je vous le garantis. Oui. Donc, je vous envoie une question. On attend on attend que la question soit terminée avant de répondre. Sinon, c'est moins 40 points. Okay. Oh. Donc, quand j'ai terminé, vous pouvez y répondre. Et si vous avez la bonne réponse, ça donne 2 points. Si personne a la réponse, ouais, je vous donne un indice. OK. Mais ça va seulement valoir 1 point si vous avez la bonne réponse. OK. Madame? J'ai une question, oui, professeur. Est-ce qu'on peut avoir un mot-clé pour dire que la question est finie? Allez-y. Okay. Tu sais, comme dans l'émission, les chiffres, là, avec le monsieur qui bouge les bras bizarres. Okay. Allez-y. Allez-y. 5. 4. Est-ce qu'on peut sonner dès que tu fais le « al » ou on doit finir le « zi » à la fin du « zi ». Le « zi » top. Dès le « al », vous pouvez y aller. OK. Okay. Okay. Bon. Donc, première question. C'est parti! L'un des premiers films qui a eu pour thème un enfant démoniaque réalisé à la fin des années 60 et au début des années 70. Ce film est aussi devenu l'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire avec 402 milliards de dollars de recettes dans le monde entier. Allez-y! J'ai entendu Alex en premier. L'Exorciste. Ah! Et c'est une bonne réponse! Oh! Et c'est déjà 2 points pour Alex! Yeah! Danny, il a passé proche du moins 40. J'ai failli. J'entends. Mais il faut lui laisser le bénéfice du doute parce que le sien, il est pas respire, ça bouge. Oui. Il shake quand même facilement. Ouais, moi, en plus, je bouge. Tu sais. Non, Danny, tu bouges, toi. Non. C'est beau, c'est un okay. Test de réponse. Vas-y, oui. Je bouge. Donc, question numéro 2. Il s'agit du 11e long métrage de Stanley Kubrick. Ce film est inspiré du roman éponyme de l'écrivain américain Stephen King. Deux concepts sont exploités, la maison isolée et hantée et les perceptions extrasensorielles d'événements passés futurs. Allez-y! Danny! Shining! Et c'est une bonne réponse! On a réussi de là! Si on n'était pas parti des musiques quand la question finit, j'aurais eu. Oh, c'est ça, hein? Tout le temps les excuses. Ouais. Moi, je l'aurais pas eu. Moi, je l'ai dit. Donc, c'est le film avec comme acteur principal Jack Nicholson. Qui est assez fou, là-dedans. Ouais. J'ai pas vu le film, mais tout le monde a la pochette en tête du film, je crois. Oh. OK. Vous êtes prêts pour la question numéro 3? Ouais. Oui. Qui est le réalisateur du film Psychose de 1960? Allez-y. Alex? Alfred Hitchcock. Bonne réponse! Bravo! Doigt de réplique. Donc, doigt de réplique, Jean-Philippe? Oui, oui, j'ai le droit de répliquer. sur cette musique de plage. Attends, réponse alternative à Stanley Kubrick, c'est... C'était pas ça la réponse à Stanley Kubrick, ça c'était dans la question. Non, c'était pas Kubrick. Non, attends. Oui, ah! Ok, ben laisse faire la blague. Vas-y, vas-y, vas-y, on veut l'avoir. Mais en fait, je suis pas sûr de l'avoir formulé comme là dans ma tête. Ok, vas-y, vas-y. Ok, c'est Coupe Gray, Opération. Ouais. Ah, Stanley. Stanley et mais Kubrick, coup, mais à la place, c'est Opération, c'est un autre jeu. Ok. T'aurais pu dire aussi Stanley Ipkiss, c'est dans le masque. Yeah. Oh! T'as pas buzzé, fait que t'as pas le point. Je vous suis plus. OK. Question numéro 4. Carrie au bal du diable, ou juste Carrie, est un film d'épouvante américain de Brian De Palma, sorti en 1970. Le film se centre sur l'adolescente Carrie qui découvre qu'elle possède des pouvoirs de télékinésie après les humiliations que lui font subir ses pères. Quel est le nom de famille de Carrie et que personne ne réponde dans la terre? OK, Mathieu? Allez-y! Moi, je veux juste plugger Mathilda. Ah! Carrie Underwood. Parce qu'elle a des pouvoirs, là, Mathilda. Ah. Ben oui, mais... Carrie Giguère. Non! On veut un indice. OK, un indice. Son nom de famille est une couleur, mais en anglais, là. JB? Green. Non. Yellow. Hey, j'ai entendu le pet, là. Red. Non. Moi aussi, c'est ça. Ouais. Alex? Carrie White. Bonne réponse! C'est Barry White. Barry White, c'est la sœur de Carrie White. C'est qui a dit Carrie Giguère? C'est Dani? C'est Corinne Giguère? C'est oui. Moi, je l'ai ri. Okay, mais tu sais pas, mais t'avais fait une blague d'impro. Ah, mais c'est bien. Donc, Dani, grâce à ton gag, on a pu tout se faire notre gag dans notre tête. C'était tout différent, mais on a tout ri. OK, question numéro 5. Le film La Mouche, aujourd'hui considéré comme un film culte sorti en 1986, a été réalisé par l'Américain David Cronenberg. Il est le remake d'un film moins connu réalisé par Kurt Newman, sorti en 1958. Quel est le titre de l'œuvre originale? Hein? Hein? La Mouche Noire. Bonne réponse! Ça va bien avec Wikipédia, hein? Oh, Dani, je me donne un point! Hey, ça, là, c'est un moins sain! Regardes-tu vraiment Wikipédia? Oui, je te jure! Il n'y a aucune preuve! Vrai, ben, mes yeux, tu peux prendre une photo de mes yeux. Moi, je débranche son écran. Oh, non! Si la caméra fonctionne, là, dans les experts, ils pourraient voir la réflexion de l'écran. Tu sais, ils trouvent ça! Moi, j'aimerais qu'on répète les règles du début. C'était pas marqué qu'on n'avait pas le droit de tricher. Ben là, c'est pas marqué dans les règles, faut pas que tu tues quelqu'un dans le quiz, tu sais, on va-tu le préciser? Ouais, mais ça, c'est dans des règles de vie en général. Ouais. Ben, tricher aussi, c'est des règles de vie. Non, c'est pas vrai. Dans les jeux de société, des fois, on a le droit de tricher. Non. JP, tu es disqualifié. L'important, c'est pas de se faire pogner. On t'enlève ton buzzer. Ah non, non, laissez-moi mon pingouin. Okay. Donc, non, effectivement, la réponse, c'était la mouche noire. Voyant que personne n'avait la réponse, on voyait notre dans l'obligation. Ben oui. Ah, pour le bien éducationnel. Oui, t'es sacrifié pour l'émission. Pour la corporation. OK, c'est juste parce que t'as un grand cœur. Oui, c'est ça. OK, je te donne un demi-point. Ah! Alexandra est offusquée. Mais il est quand même disqualifié. Non, mais il gagnera pas de toute façon. Là. Ben, Mathieu, t'as-tu zéro? Ah, ben moi, c'est sûr que j'ai zéro. Je pars les musiques à la fin. Donc, il pète. Pour avoir triché, je ne serai pas le dernier, tu vois. Il y a une leçon de vie ici. Mais s'il y a zéro, toi, t'es moins un. Mais sérieusement, Steph, je vais devoir mettre mon droit de veto. Si t'enlèves 40 points parce que quelqu'un répond avant la fin de la question, tu donnes un demi-point parce qu'il a triché. Moi, je suis contre. Bonne réponse. Non, attendez. Tout comme dans Loup-garou, j'aimerais m'ostiner. Non, Mathieu, t'as tellement raison. Je suis l'animatrice. Je suis la créatrice du quiz. Ce sont mes règlements. Je suis le metteur en onde et l'annonceur. Je suis le animateur. Ferme mon micro, voir, puis arrange-toi avec la... Moi, je suis juste invité ici. Mais après ça, moi... La prochaine fois, j'aimerais que ça soit mentionné. Si je me brûle avec un café, que c'est pas dit que c'est chaud, moi, je vais partir de la compagnie. Tu peux les actionner. Moi, je peux les actionner. Le séchoir en dessous de la douche, pas une bonne idée. Voilà. Attention, contenu de la pop-tart peut être chaud lorsque chauffé. Exactement. Question numéro 6. OK. Question numéro 6. Ce personnage était un tueur d'enfants. Furieux, les parents se vengèrent de lui en le brûlant dans sa cachette secrète alors qu'il avait réussi à sortir de prison. Maintenant, son âme hante les rêves des adolescents, les tuant dans leurs rêves, les tuant à la fois dans la réalité. De qui s'agit-il? Allez-y! Danny? Freddy Krueger. Bonne réponse! Wow. Et c'était effectivement Freddy. Et c'est le personnage tiré du film Les Griffes de la Nuit ou A Nightmare on Elm Street de 1984. Je m'en allais te dire, je peux même te dire où est-ce qu'il habite. Il habite où? Sur Elm Street. C'est pas sur Gene H. Kruger? Oui, ça, c'est sa résidence d'été. C'est son chalet. Non, son chalet. Un petit cottage, cottage. À Trois-Rivières-Ouest. Entre le centre d'achat et le centre-ville. C'est ça. Le plus beau coin, finalement. Question numéro 7. Number 7. Number 7. Merci, Dupi. Clarisse Starling, hein? Jeune... Clarisse Starling, jeune stagiaire du FBI, est désignée pour interroger Hannibal Lecter, un célèbre psychopathe cannibale emprisonné à vie dans un hôpital psychiatrique à Baltimore dans le cadre d'une enquête, sur une série de meurtres épouvantables perpétrés sur des femmes dans le Midwest. Quelle est l'équipe de football de Baltimore? C'est une joke, mais je me trouve drôle. Est-ce que quelqu'un a la réponse? L'équipe de football de Baltimore? Je pourrais être l'équipe de baseball. Là. Non, je la connais pas, fait que je pourrais... C'est les Orioles de Baltimore. Wow. Okay. Mais ça, c'est en baseball. Là, okay. Mais... Okay. Ben, football... Il n'y a pas de lien. Fait qu'un demi-point pour ça, sérieux. Si tu donnes un demi-point à JP parce qu'il a triché, tu donnes un demi-point à Danny pour ça. Non, parce que ma question, c'était football. OK. Yeah. Bon, c'était les Ravens. Donc, les Ravens. Hey, Max, les Ravens. Moi aussi, il y a du monde qui vont dire. C'est pas ça. Moi, c'est l'équipe à mon chum. Là, faut que je la connaisse. C'est pas vrai, le choix. Les Ravens de Baltimore. Ils sont mauves. C'est mais, beau. Mais, vous commencez qu'ils jouent pas à balle, Baltimore. Oh. Ben, hey, c'est une balle, mais ovale. Bonne réponse. Donc, finalement, la question est de quel film s'agit-il? Allez-y. Voilà. Qu'est-ce que sonnait avant, Mathieu? Mais moi, j'ai l'handicap du bouton Winamp, là. Fait que ça me donne une demi-seconde. OK. Le silence des agneaux. Bonne réponse! Anthony Hopkins. Ah non, c'est pas ça. Avez-vous vu Le silence des jambons? Non. Ouais, film français, ça. Je pense que oui. Il me semble que c'est vraiment fucké. Ouais. Ils sont rarement jasants, hein, les autres. Ouais. Mais c'est, les jambons? Les jambons. C'est absurde, un peu. Ouais, c'est vraiment dans l'absurde, là. C'est ça. Ben, je veux dire, juste le titre, on peut s'en douter. Des jambons, ouais. Donc, on va poursuivre avec la question numéro 8. Il est le fils de la cuisinière du camp Crystal Lake dans le New Jersey et est devenu meurtrier. De qui s'agit-il? Allez-y! Il faut pas lever ta main, t'as un buzzer. Oh, t'as la radio. C'était le mouvement du bouton. Ah, la radio. J'ai cassé quelque chose. Un indice, madame. Ouais, ah ouais, déjà l'indice. Crystal Lake, ça vous dit rien? Non. OK, indice. Le personnage porte un masque de hockey. JP! Là, j'ai peur de me mêler. Qu'est-ce que tu as dit? Ben non, non, je l'ai fait après. Danny? C'est Jason. C'est Jason. Hey, faut-tu dire le nom de famille? Ben là. Parce que si il faut dire le nom de famille, je l'ai. Non, c'est juste le nom de famille de Mike Toi, Myers. Toi, tu triches parce que on a entendu le nom de famille à la lime, là, tu triches. Ah, c'est, peu importe où on prend ces informations, c'est pas de la triche, c'est pas le jour même du quiz. Le point va quand même à Danny, mais est-ce que tu peux me donner le nom de famille? Je te donne un demi-point. Voorhees. Demi-point pour Mathieu. Yes, Seigneur, t'es fort. Moi, si je te dis comment qu'il sait, pourquoi il le suit, est-ce que j'ai un demi-point? Non, mais c'est parce qu'après, je serais plus capable de compter les points. Là. Ça va être compliqué. Faudrait tirer un plus une demi, plus trois. OK. Saviez-vous que le célèbre masque de hockey n'apparaît qu'à partir du troisième film? Je me rappelle pas. Oui. C'était-tu une réponse? Hein? c'est juste un point pour oui. Oui. Et saviez-vous que Jason meurt dans le quatrième film et revient sous la forme d'un mort vivant dans le sixième? Oui, vient Jason Cree à la place. C'est juste des... Oh. Jésus-Christ. Le moment donné, il n'est pas dans l'espace aussi. Jason dans l'espace. Mais c'est Jason versus... Elle est bonne, Mathieu. Écoutez sa joke, elle est vraiment bonne. Arrêtez de parler, elle est bonne. Arrêtez, écoutez-moi tous. Elle a dit qu'elle était bonne, la fille. T'as pas d'accord. Non, mais là, tu sais, Jason, il est mort. Ouais. Puis dans le quatrième. Puis là, dans le sixième, il revient sous la forme d'un mort vivant. Fait que... Il vient Jason Cree. Ouais, Jésus-Christ. Jason Cree. Il est juste dans le troisième plus tard. Ben, c'est drôle. OK. Bon, ben, je pense qu'on va passer à la question numéro 9. Quel est le nom de l'actrice qui jouait le rôle de Kazé Baker dans le premier volet de la saga Frisson? Allez-y. Oh. Alex? Neve Campbell. Non, mais... Soup Campbell. Reprends ton doigt de réplique comme si t'avais pas joué. Bon, mais Alex? Non, mais là, faut que... Neve Campbell? Non. Anne Campbell? Non, mais c'est pas ça, décroché. Hey, j'ai buzzé. Hey, c'est échappé un peu. Hey, nous autres aussi, à force de péter comme ça, on va commencer à être buzzé. Faut faire des petits pets, j'attends pas de Mathieu, c'est quoi ta réponse? C'est quoi ta réponse? C'est quoi ta réponse? Ah, c'était sa réponse. Courtney non, Cox. Mauvaise réponse. Non. Courtney Cox. OK, je vais vous donner un indice. On le sait pas. Cette actrice a joué dans E.T. l'extraterrestre en 1982, À tout jamais en 1998 et dans Charlie, c'est drôle de dame 1 et 2 en 2000 et 2003. Je l'ai fait avant. Là. Tu l'as fait tout le long! Ben oui, mais là, c'est parce que je pensais pas que tu nommerais 50 films. Le droit de réplique ou le lien supplémentaire compte pas pour la fin. C'est vrai, ça n'avait pas été dans les règles. Ok, ok, ok, Danny, je te donne ton point. Mais Neve Campbell, elle joue quand même. Mais j'ai même pas donné la chance. Oui, mais c'est pas elle qui joue Cassie Baker. Puis moi, je prends la moitié de tes points parce que je t'ai aidé. Je le sais. Mais Steph a dit, je te donne ton point avant que je réponde. Oui, voyons. C'était Drew Barrymore, la réponse. Ben oui, je te l'ai donné ton point. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'assiner, là. Oui, moi, je vais m'assiner. La même chose. Je vais m'assiner. Je t'ai levé pour ça ce matin. Alex est pas sûr de vouloir se lever pour ça une autre fois. Ouais. Là, mon pingouin est en train de manger mon micro. Ah, disqualifié. C'est plat à sa radio, on le voit. Je vais prendre une photo. OK, JP a accroché son pingouin. Donc, pendant que JP prend une photo et poste ça sur la page d'assemblage requis, moi, je vais y aller avec la question numéro 10 et c'est l'avant-dernière. Parce que oui, j'ai fait un chiffre random, ça va être 11. Donc, Arthur hérite d'une maison bien étrange que lui lègue son oncle Cyrus. Il s'installe avec sa famille dans cette maison entièrement construite en verre et dotée de mécanismes qui relâchent successivement des fantômes, tous plus dangereux les uns que les autres. De quel film s'agit-il? Allez-y! Alex? 13 fantômes. Bonne réponse! Yeah! J'ai senti ça et la maison en haut de la colline. Moi, c'était Amityville au début, mais quand elle a dit tout en verre, j'ai dit non. Mais il n'y a pas un film qui est c'est la maison de verre? Merde. Ben, probablement, ouais, mais tu vas pas libérer ça. 13 fantômes. On peut retrouver, entre autres, dans Les fantômes, le fils premier-né, l'aimé dans les flammes, la force meurtrière et la princesse en colère. Oh. Dernière question. 11e et dernière question. Deux hommes, Adam et Lawrence, ou Adam and Lawrence, ou Adam et Laurent, sont enchaînés dans une salle de bain. Tous deux ne se connaissent pas, mais ils ont été piégés par un tueur en série qui impose à ses victimes un choix entre la vie et la mort dans des pièges sadiques. L'un doit s'échapper de la salle de bain et l'autre doit le tuer, sinon sa femme et sa fille mourront. De quel film s'agit-il? J'ai pas dit allez-y! Oh! On a tous perdu 40 points. Ouais, 40 j'aurais, si je m'étais abstenu, j'aurais gagné. Exact. Wow. Non, mais vous avez tous moins 40 points, donc on revient tous au même pointage. Donc, okay. Allez-y. J'abandonne. Là, c'est Alex. Ben oui. Ça. Ben oui. Et c'est la bonne réponse. Décadence. Donc, je pense qu'on a... Ben, c'est la fin du quiz, déjà. Je pense qu'on a déjà un gagnant. Je vais faire un petit calcul rapide, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points pour Alex. Bravo, Alex. Félicitations, Alex, pour ta première participation. Tu es notre grande vaincrice. Là, elle va revenir, hein? Elle va revenir pour ça. Ouais, c'est parce qu'on va faire le cheese quiz, mais avec tous les gagnants. Le spécial gagnant. Ouais, c'est plate, j'avais pas pris ça en note. Ça va être plate par un quiz contre moi-même. Oui. Ensuite, en deuxième position, on a Danny avec 2, 3, 4, 5 points. Wow. En troisième position, pardon, assez étonnant, mais on a Mathieu avec 1 point et demi. Ben non. Bravo. Yeah. Et finalement, en dernière position, on a JP avec un demi-point. Ça t'apprendra, man. Ça t'apprendra. Au moins, t'as pas perdu moins 40. T'aurais pu être à moins 39,5. Ben, en fait... j'ai perdu moins 40. Prenez tout votre score. Faites moins 40, ça va vous donner votre score. C'est ça, on a tous moins 40. Ça va? Ouais. C'était fantastique. C'était le Cheese Quiz, merci! Cheese Quiz donne ta personnalité, personnalité. Il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos et tellement d'autres choses. Fait avec du vrai cheddar canadien. Si succulent sous la dent. Cheese Quiz donne ta personnalité, personnalité. Fait avec du vrai cheddar canadien. Donne la personnalité. Du beau jaune orange. Yeah! C'était génial, fantastique, on a du fun! C'est toujours le free for all! Alexandra a presque eu du fun, on pourrait dire. Imagine, elle a gagné en plus, la trouve ça plate. Je pense qu'on a oublié de dire que ça allait être n'importe quoi. Je pense que j'attendais un vrai. Moi, je m'attendais, tu sais, là. Quelque chose d'intellectuel, maintenant? Pouvez-vous répéter la question, là? OK. OK, génie en herbe, là. Mais non, c'est... mais laisse pas chier. Non, mais inquiète pas, Alex. Moi aussi, quand j'ai voulu faire un quiz dans ma tête, ça avait l'air de ça. moi, je viens de me rendre compte que ta tasse de café et mon buzzer, ils ont quelque chose en commun. Ils ont un pingouin ici. Oui! Wow! Il y a aussi quelque chose en commun entre la tasse à Alex et le buzzer à Dany. Ils sont bleus! La couleur! Et, on peut y aller, et ensuite, est-ce qu'on a un point en commun avec la tasse à Alex et le buzzer à Mathieu? Non! Ah oui, oui, quand ça, tu finis de boire le café, ça fait. Puis quand tu pètes, ça fait un. Presque. Ça fait. Ouais. Ben dans l'eau. C'est un lien pas mal obscur. C'est moyen, c'est obscur. Mais j'en ai fait un. Un demi-point? Non, c'est fini. Ah, je suis dans le passé. On remercie évidemment Alexandra Carignan. Oui, merci. On te retrouve lundi prochain à l'émission mardi. Mardi, ouais. Mais là, elle gagne quoi, là? Elle s'en va de même et elle gagne rien. Ben, elle gagne tout notre respect. Les honneurs, les honneurs. Le plaisir qu'on a eu. Je gagne un café gratuit. Ah! Si vous c'est une bonne idée, ça. Merci aussi à Dany Janvier. Bye. Et on le retrouve au Dîner de Con tous les midis, lundi au jeudi à 11h. Sûrement, je serai là. Bien sûr. Stéphanie Paradis, on te retrouve bien sûr ici à l'émission les mercredis. Oui. Une semaine sur deux à 8h pour la chronique sur le campus. Et l'autre mercredi alternatif pour la chronique, soit Cheese Quiz ou les petits bonheurs. Petits bonheurs, quelque chose de random, là. Et au premier assez fou les jeudis après-midi. Oui. Voilà. Et en reprise très souvent. Beaucoup trop souvent, en effet. Merci bon, à Ingrid. Merci Ingrid Arnebel pour sa chronique La course au trésor. Merci à toi, Jean-Philippe. Oui, merci à toi, livreur, de m'avoir interrompu ma chronique préférée. 2500 livres. 2500 livres. Merci Mathieu. À demain. Merci, à demain. Bonne journée. C'est fou.ca, la programmation complète. Oui, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Bye! Bye! Les péripéties de JP, épisode 1. Prenez-moi pas pour un élève. Bravo. Tous ces anciens clients m'ont vraiment demandé ce qu'ils faisaient là. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à grand-chose. Excusez. Je trouve ça drôle. C'était JP qui écoutait L'Auberge du Chien Noir. Seul.